personne pas défauché. Téléphone crié, personne pas défauché. Moi des actes qui vivent, moi des actes qui passent comme ça. Pas même sa vessie, des mères qui vivent. Téléphone sonné, personne pas défauché. Téléphone crié, personne pas défauché. Moi des actes qui vivent, moi des actes qui passent comme ça. Pas même sa vessie, des mères qui vivent. Laissez-moi toucher, laissez-moi garder moi.